Allez, Anthony. Le titre peut-être le plus attendu chez Panini pour ce mois. La Vision, tome 2. Donc, c'est écrit par Tom King, qui il est assisté au dessin par Michael Walsh sur un premier numéro, que j'ai pas reconnu, honnêtement, qui transfigure un peu son style. Et Gabriel Hernandez-Hualta, qui était déjà le dessinateur du premier volume. Petit aparté sur la couverture, qui là, pour le coup, est magnifique. Couverture de Mike Del Mundo, vraiment somptueux. Donc, La Vision, c'est un titre... peut-être le deuxième titre le plus indé de Marvel avec Moon Knight. Voilà, c'est un titre honnêtement, il n'y aurait pas un logo Marvel et le nom des personnages, on pourrait mettre un image dessus, ça passerait très bien. En gros, Tom King, c'est assez particulier, c'est pas du tout évident à chroniquer parce que c'est à la fois très dense et assez profond comme bouquin. Il va faire un peu son Les robots d'Asimov. Ça m'a fait penser à ça. Avec La Vision, parce que La Vision, donc, c'est le synthézoïde créé par Ultron. Il va d'ailleurs dans ce deuxième tome réutiliser la généalogie de Hank Pym, donc Ultron, La Vision, Victor Mancha qu'on avait pu suivre notamment dans la série Avenger AI, très bonne petite série qui était passée sous les radars, qui est lui aussi un androïde, donc qui est le frère de La Vision, qui va avoir un rôle clé dans ce tome là et qui va en fait être le lien avec les Avengers, puisqu'on terminait le tome 1 sur la vision apocalyptique d'Agatha Harkness. Donc là aussi, on parlait dans Titans Pen de personnages sortis de l'oubli. Voilà, Tom King va utiliser beaucoup, beaucoup de personnages de la continuité, d'une continuité perdue, et certains personnages, je les connais pas du tout. Des personnages liés à l'univers magique du mont Wundagore, liés à la sorcière rouge, c'est des trucs que j'ai jamais vus. Bon, c'est toujours très intéressant, ça montre qu'il s'est vachement documenté sur cette série. Et donc, oui, la vision d'Agatha Harkness, c'était que le robot, en fait, décimait le monde, et on savait pas pourquoi, et là on va avoir la réponse. Pareil, c'est un tour de force de Tom King, parce que dans le premier, à la fin du tome, il nous livrait la vision apocalyptique sans savoir quel était le pourquoi du comment. Là, on sait ce qu'il en est, on sait où la vision va aller, jusqu'où il va pouvoir aller, et au final il résout ça dans une affaire familiale absolument sordide mais très très très touchante. Il y a tout un sous-texte et un sous-message sur qu'est-ce qui fait que qu'on est humain. La part de l'âme, la part du synthétique, est-ce qu'un robot peut avoir des sentiments. C'est des thèmes qu'on connaît dans la littérature de science-fiction, mais les voir là aussi bien traités avec autant de finesse dans un comics mainstream, hein, Marvel, c'est vachement plaisant. Maintenant, c'est un titre assez exigeant, tant graphiquement qu'à l'écriture. Honnêtement, je suis resté un peu extérieur à cette lecture du deuxième tome. C'est un truc qu'il va falloir reprendre à tête reposée dans son intégralité. À lire lentement, vraiment se questionner en tant que lecteur sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'a voulu dire Tom King, où est-ce qu'il veut nous emmener. Maintenant, c'est suffisamment rare qu'on ait ce genre de d'interrogation au moment de la lecture pour en faire un titre assez exceptionnel. Même si on est très très loin du comics typiquement mainstream qu'on peut avoir dans les kiosques Panini, qui sont des choses beaucoup plus accessibles. Là, on est sur deux tomes très exigeants. Ils font appel à la réflexion, mais ça fait aussi du bien et je conseille vraiment cette lecture. Lire les deux tomes à la suite, c'est quand même beaucoup plus appréciable. Il y a une chose qui m'a frappé, parce que du coup j'ai enchaîné les deux tomes à la suite là. C'est l'espèce de froideur de la narration. Très mécanique, très robotique finalement. Et en fait, il nous parle de sentiments, beaucoup, de l'âme, de sentiments, etc. Mais en ne faisant que les décrire. Oui. Il ne nous les fait pas ressentir, il nous les décrit. Et c'est, du coup, il y a une espèce de... quelque chose qui peut apparaître froid, etc. Enfin, du coup, on ressent vraiment ce qu'on pourrait ressentir au contact de quelqu'un comme La Vision. Oui, oui, et puis il arrive, comme tu dis, à donner cet aspect... presque chirurgical. Robotique et vachement binaire du comportement de La Vision qu'on n'avait jamais, finalement, avant, où au final, ça aurait dû être un humain dans une combinaison rouge et verte, c'était la même chose. Là, non. On voit et on comprend via les dialogues que c'est un robot, il arrive à nous faire comprendre, mais en même temps, on a cette empathie humaine derrière. C'est vraiment très très fort dans la narration. Et c'est assez glaçant, notamment tout ce qui se passe avec son épouse, parce que justement, cette narration-là, elle la rend hyper flippante. Oui, mais à la fois, tu comprends tout son raisonnement, tu arrives à le comprendre, même si c'est un robot. C'est vraiment très très fort. Oui, parce que c'est très rationnel, c'est très... Oui, c'est A plus B, quoi. C'est vraiment... Sauf qu'effectivement, c'est une suite logique d'idées qui, effectivement, par un raisonnement très algorithmique, la part en vrille, quoi. Ouais, dans cette logique-là, se tient. C'est vraiment un tour de force que fait Tom King. C'est un peu bizarre qu'il soit parti se perdre sur la plus grosse série de DC, sans dire qu'elle soit bonne ou pas, mais je pense que c'est un auteur qui, dans son petit coin, avait vraiment quelque chose à faire sur des personnages un peu plus annexes. Mmh. Surtout que là, il fait un travail, tu as dit, sur la continuité qui est incroyable. C'était dans le tome 1, mais je me rappelle de cette séquence en fin d'épisode 5 ou 6, je ne sais plus, où il te cite les 37 fois où la Vision a cité à sauver le monde. Ouais, c'est ouf. Il fallait les chercher, hein, parce qu'effectivement, elles sont toutes... Enfin, voilà, quand on... Si on connaît le bout des doigts sa chronologie des Avengers, ou si vous êtes intéressé, vous voulez faire une petite recherche, ces 37 fois-là sont chronologiquement bien classées et ont vraiment existé. Oui. Et c'est assez incroyable le travail de recherche qui a été fait. C'est un putain de tueur. Deux mots sur ma déception par rapport à ce tome, la fin. On sent que le mec devait partir de chez Marvel parce qu'il passe à la concurrence et qu'on lui a fait un peu rusher sa fin. On lui a dit ok, tu la publies, mais tu la finis vite, et on le sent. Ça manque d'un ou deux numéros sur cette fin qui est hyper rushée. Ouais, je sais pas. Et du coup, la conclusion, la révélation que fait Madame Vision, même si elle aime pas qu'on l'appelle comme ça, Virginia, on sent que c'était pas prévu comme ça, quoi, parce que ça arrive quand même super, de manière super abrupte, et c'est pas ce à quoi on nous a habitués depuis le début de l'histoire. Oui, c'est vrai que le numéro sourd, on a cet échange avec le public, et du coup, gros flashback, et là, on a toutes les réponses d'un coup. Et voilà, on se dit, il y avait encore beaucoup de choses à traiter avant cet épisode-là, et en fait, tout nous est balancé dans un épisode. C'est assez rapide, quoi, du coup. Et bon, bah après, ils l'ont laissé finir, c'est bien, il a pu finir son histoire, certes, un peu plus vite que ce qui était prévu. C'est vrai que du coup, on a vraiment l'histoire entière qui se tient. Mais oui, non, mais c'est clair. Et on a, on va dire, en scène Paul G., une potentielle ouverture sur des personnages qui restent là, qui je pense seront amenés à évoluer autre part, parce que c'est intéressant. C'est sûr. Voilà, du coup, moi, à cause de cette petite fin un peu rapide, mais pour le reste que je trouve absolument parfait, ce serait un 9 sur 10 pour moi. Et pour ta part? Ouais, je vais mettre la même chose. Je vais mettre 9 sur 10 parce que je mets pas 10 parce que c'est un truc qu'il va falloir reprendre à tête baissée. C'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que ça demande de la réflexion sur cette lecture-là, qui est un peu étrange. Mais c'est vraiment quelque chose à reprendre à tête baissée, à relire plus ou moins régulièrement en entier pour se questionner. Honnêtement, c'est un des meilleurs titres du moment. J'aurais bien aimé avoir les commentaires de Tom King. Ouais. C'est vrai qu'un peu d'édito à la Bliss dessus, ça aurait été bien. Ouais. Donc, on sait que en VO, ça va ressortir en Director's Cut édition avec plein de bonus, justement des commentaires des artistes, etc. J'espère qu'avant de le sortir au Deluxe, Panini attendra de voir ce que donnera cette version pour peut-être nous la proposer. Ouais. Avoir une belle édition complète avec ses commentaires, ça peut être cool. Mmh. À voir.